Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé avec, ma foi, une avalanche de nouveautés dans l'émission d'aujourd'hui. Des nouveautés qui viennent des quatre coins du monde, hein. On aura Ideus Divinity, Vorga, Quantic Lépreux, Final Resting Place et d'autres qu'on prendra le temps de se présenter tranquillou au long de l'émission d'aujourd'hui. Émission que l'on va commencer avec la première doublette et une nouveauté en ouverture de cette émission, Ideus Divinity, la formation de Brutal Death qui nous vient d'Italie, qui nous sort là un cinquième effort studio, 4 ans et demi après le très bon Simulacrum. Un petit EP était sorti entre temps, un généreux pavé à 50 minutes, les compos vont aux alentours de 7 à 8 minutes de durée. On est un peu dans une vibe vitriol, hein, dans le sens où il faut prendre le temps pour le digérer. C'est hyper inspiré, intense, technique, créatif. Voilà, la scène italienne en termes de Death Brutal Death est vraiment excellente et Ideus Divinity en tient le fleuron. A noter, ce qui a fait un peu le buzz sur les réseaux ces dernières semaines, c'est une throatcam du chanteur de Ideus Divinity. En gros, il s'est fait enfiler une caméra au bout d'un tube dans le fond de la gorge pendant qu'il faisait ses parties vocales. C'est assez impressionnant de voir de quelle manière ça gigote au niveau des vibrations, etc. Voilà, encore une fois de plus, quand la science rencontre le métal extrême. Ideus Divinity, ce nouvel effort studio, vient de voir le jour, hein, chez Century Media. Il s'intitule Unextinct. On s'écoutera le titre Against the Sovereignty of Mankind. En doublette, les Suédois de Necrophobic, leur Black Death toujours aussi efficace et prenant. Il n'y a pas de mauvais album chez Necrophobic. In the Twilight Grey, c'est le nom de leur nouvel effort studio, également dispo via Century Media. Et on s'écoutera le titre Grace of the Past. Sur ce, bon début d'émission à toutes et à tous. To a new Double Etriken pour la suite, Spaced et Skeletal Remains. Spaced, tout d'abord, jeune formation hardcore donc venue des US. Hein. Ce nouvel effort studio est très bref, trop court, c'est bien dommage d'ailleurs. Il a bénéficié d'un petit focus la semaine dernière dispensé par l'ami Thibaut. Gros EP, mini-album, chacun son point de vue. Ça va se classer entre un gel et Skull. La cheveux vocaliste est incroyablement dynamique et ça groove dans l'ensemble. Enfin voilà, excellente réussite ce nouvel effort studio de Spaced. Skeletal Remains, du death qui nous vient de Californie. Cinquième effort studio en 15 ans d'existence, 10 titres avec une cover de Hate Eternal à la fin. Ça navigue entre le death tradi et le death plutôt old school, ça tabasse sévère tout du long. Et pour le coup, Skeletal Remains, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce nouvel effort studio. Et Skeletal commence à se tailler un sacré nom sur la scène internationale en termes de death metal. Au niveau de la diff Spaced, la doublette Landslide avec le titre Downfall, extrait donc de l'album This Is All We Will Ever Get. Skeletal Remains, Void of Despair, extra album Fragment of the Ageless. C'est parti. Why? Pour la troisième doublette de l'émission de ce soir, une autre nouveauté, Vorga, un groupe qu'on vous a déjà diffusé sur les précédentes sorties studio. La formation nous vient d'Allemagne, on est sur du black metal, actif depuis une dizaine d'années, c'est le second effort studio qui vient de sortir. En 2022, quand le précédent album était sorti, il y avait eu un focus dans la foulée, et voilà, là ça déroule exactement sur la même dynamique. Un black assez cosmique, mélodique, rehaussé au niveau de l'objet par un visuel absolument grandiose une fois de plus signé Adam Burke. C'est riche, c'est varié, à la fois intense et voilà, des séquences forcément cosmiques un peu plus posées et astrales qui permettent de respirer. En doublette avec la formation allemande, un groupe qui nous vient de Belgique, In Clover, c'est du hardcore. Ils sortent là un second effort studio sous forme d'EP, enfin. C'est le second EP en attendant l'album. Une vingtaine de minutes, 6 titres. On retrouve en guest les gueulards de Guiltrip et Cauldron selon les titres choisis. Voilà, pareil, In Clover commence à devenir un sérieux client sur la scène hardcore européenne. Au niveau des titres choisis, Vorga, le morceau The Cataclysm, extrait de l'album Beyond the Palace Star. In Clover, Oxblood, extrait de l'EP Lowest Form. C'est parti. We'll be right back. Pour la doublette à venir, on tient là un des tout meilleurs albums, sinon le meilleur album de l'année 2024 en termes de Brutal Death. La version bien crado, hein, pas la version vitriol. Brodkin nous sort un monstrueux Harbinger of Woe. 20 ans qu'il n'avait rien sorti en version studio, une sortie sur label français Season of Mist. Fall of the Leaf, c'est le titre que l'on va s'écouter ce soir. Brodkin, ça nous vient du Tennessee, c'est crade, c'est puissant, c'est excellent. Gros focus hein, la semaine dernière pour présenter ce nouvel effort studio. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Brodkin, il faut juste que ça s'écoute et ça ira beaucoup mieux après. Critical Defiance, ensuite le groupe de trash qui nous vient du Chili, c'est une nouveauté dans l'émission de ce soir. Actif depuis bientôt 15 ans, ils sortent là un troisième effort studio. Du trash qui se veut assez old school, avec des passages même Blackening Trash. Et en même temps, des relents un peu plus tech et élaborés, comme si on croisait un vieil album de Creator avec un coroner. Un trash assez riche, les morceaux font de 2 à 3 minutes jusqu'à 10. Voilà, ça permet d'éviter l'écueil du trash un peu classique et voire même rabarbatif. Au niveau des titres choisis, donc Brodkin, on l'a déjà dit, le morceau Fall of the Leaf, Critical Defiance, Helpless World, extra album The Search Won't Fall. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà dispo. We'll be right back. On attaque tout de suite maintenant l'aspect française dans l'émission El Banger de ce soir, aspect française que l'on va ouvrir de la meilleure des manières, avec tout d'abord un groupe de black typiquement français et un groupe qui parle de pinard. J'ai nommé donc Merrimack et Dionysiac. Merrimack, tout d'abord, formation black francilienne qui, mine de rien, vient d'atteindre les 30 ans de carrière. À l'occasion, un sixième effort studio vient de voir le jour, 7 ans après le très très très très bon Omegaphilia. Le précédent album était déjà généreux, le nouveau contient 50 minutes de musique, toujours chez Season of Mist. Voilà, c'est vraiment le black français dans toute sa générosité et dans tout son talent. C'est haineux, mystique et ça prend bien nos tripes. Dionysiac, groupe de doom strasbourgeois ayant pour thème donc Dionysos. Ça parle de Bicole, d'ailleurs le chanteur, on a l'impression qu'il est bourré sur les trois quarts des titres, ce qui donne une dimension assez spécifique autour de la singularité musicale. Musicalement, donc, parlons des instrus à croiser entre Candlemas, Cathédrale et les vieux Black Sabbath, hein, ça se veut assez grandiloquent et théâtral, tout ça donc rehaussé par le chant de l'homme sous. Au niveau du line-up, on peut compter des membres de Proudhon, Sacrificer, Malevolentia, le Grand Est qui se renifle le cul et c'est fait avec talent. Au niveau des titres choisis, Merrimack, Sublunar Despondency, extrait d'album Of Grace and Gravity, Dionysiac, Ad Nauseam Diogonos, et c'est sorti sur le label Voidanger Records.